Faut prendre les bonnes décisions, s'il y a brouillon, mon 44 les fait danser. Méchant depuis la circoncision, et pour le faire, il faudra braver les dangers. Bolos après bolos, pas de congé. C'est dans la lutte, encaisse et logé. Changer de vie littéralement, mais c'est difficile quand ta haine est contagieuse. Maison margée, là c'est les choses. C'est en sous-marin que se passent les choses. Ok, c'est carré. Deux os, c'est marié. Affilé des darons. J'oublie pas Pico, c'est derrière les barreaux. J'allume mon pilon, je suis mauvais poileux. J'aime pas mes paluches, nettoie la calache. J'arrive en rover, elle croit que c'est une calèche. Toutes tes copines nous connaissent quand. Je reviens check moi ma gaz. C'est la merde de quartier, c'est la loose. Dans ces PSO, faut des sous, donc on ne fait pas de pause. C'est ta tombe qu'on creuse, pas de bol, c'est ta tête qu'on écrase. Je veux me faire trahir comme un star. Et les vrais bandits sont en starco. Écoute ça et prends ta claque. Plutôt mourir que finir charclos. Je veux me faire trahir comme un star. Et les vrais bandits sont en starco. Écoute ça et prends ta claque. Plutôt mourir que finir charclos. Une mélodie noire sur du rock'n'roll comme un CDC. Je manie la guitare comme Tony Montana, je veux pas te faire un dessin. Trois chaudasses dans mon lit, voici le train de vie, j'aime mon verre à la chaîne. Vive la célébrité, maintenant je peux passer du hall à la scène. C'est pour ce bif qu'on saigne. On fume, on tease, dans nos deux tés, c'est la guerre. Mon téléphone, c'est sûrement l'argent qui m'appelle. Je peux passer du hall à la scène. Je veux pas te faire un dessin, t'es banni si jamais tu nous déçois. Que de la frappe qu'on reçoit. Je manie la guitare comme Tony Montana. J'ai beaucoup de thugs condamnés. Que passer du bloc à la scène, de la côte à Gucci, de Taïda à Tronly. Mon espérance de vie se consume un peu comme mon spliff. Tu vois ce que je veux dire. Elle veut que je lui fasse un bébé. Si t'es trop près on te bébarre. C'est normal si t'entends des coups de feu. T'es en plein dans la saison 2. C'est normal si t'entends des coups de feu. T'es en plein dans la saison 2. Une mélodie non c'est du rock'n'roll comme un CDC. Je manie la guitare comme Tony Montana, veux pas te faire un dessin. Trois chaudas dans mon lit, voici le train de vie, j'aime mon verre à la tienne. Vu la célébrité, maintenant je peux passer du hall à la scène. C'est pour ce bif qu'on saigne. Mon vieux, mon jeez, dans le 2T c'est la guerre. Mon Tesson, c'est sur mon argent qui m'appelle. Je veux passer du hall à la scène. Une mélodie noire, c'est du rock'n'roll comme un CDC. Je manie la guitare comme Tony Montana, veux pas te faire un dessin. Trois chaudasses dans mon lit, voici le train de vie, j'ai mon verre à la tienne. Vive la célébrité, maintenant je peux passer du hall à la scène. C'est pour ce bif qu'on saigne. On fume, on tease, dans nos têtes c'est la guerre. Mon téléphone, c'est sûrement l'argent qui m'appelle. Je peux passer du hall à la scène. Une mélodie noire, c'est du rock'n'roll comme un CDC. Je manie la guitare comme Tony Montana, je veux pas te faire un dessin. Trois chaudasses dans mon lit, voici le train de vie, j'ai mon verre à la tienne. Vive la célébrité, maintenant je peux passer du hall à la scène. C'est pour ce bif qu'on saigne. On fume, on tease, dans le 2T c'est la guerre. Mon tel sonne, c'est sûrement l'argent qui m'appelle. Je peux passer du hall à la scène.